J'ai plus de... Je sais pas si c'est suffisant. Ça faut pas toucher. Okay. Non, en fait faut aller faire le réglage. Hein. Faut changer de son pour voir. Le AC, c'est le AC 15 ça, ou 30? Ils y mettent vachement d'effets les trucs là. Ah oui, c'est un twin delay. Un noise réducteur. Ah. Je vois. Moi c'est un preset. Hein. Je vois. Il est où le noise réducteur? Pas ce pas mal. C'est quoi ça? C'est Marshall ça? Pas mal, ils sont pas mal les sons, putain. Component. Ah ouais, d'accord. Component, ampli, catégorie, product. Ah ouais. Putain, tout ça. Oh my god, on dirait ça. Talk wah.